My body, my choice. Mon corps, mon choix, c'est définitivement une bonne attitude. Ce slogan, vous l'avez certainement aussi souvent entendu ces dernières semaines. Dans le cadre du débat sur l'avortement, il n'est pas seulement utilisé aux États-Unis, mais en Allemagne également. Le Parti social-démocrate lève la voix pour abolir le paragraphe 219a avec le slogan « Car ton corps t'appartient ». En ce qui concerne les droits des femmes et les lois sur l'avortement, ce cri est très fort, soutenu par les différents réseaux sociaux, les médias et les hommes politiques. Mais qu'en est-il de l'autodétermination lorsqu'il s'agit de mon propre corps dans le cadre de la vaccination Covid-19? Salut, c'est moi Tabitha. Il y a quelques mois, la vaccination obligatoire des soignants a été introduite en Allemagne et bizarrement, on n'en entend plus vraiment parler. Il est possible que jusqu'à présent, il n'y a eu que des menaces et que les employés du secteur médical ne peuvent tout simplement pas être licenciés car il y aurait alors une forte pénurie de personnel. C'est d'ailleurs ce qui avait bien été prédit. J'ai eu de la chance jusqu'à présent et je n'ai pas été directement concernée par ce sujet. Mais comme je suis à nouveau à la recherche d'un emploi dans le domaine médical, j'y suis confrontée bon gré mal gré. Après avoir reçu une réponse positive à toutes mes candidatures et avoir failli signer le contrat de travail correspondant, j'ai finalement été écartée à cause de l'absence de vaccination. Pour moi, malgré les opportunités de carrière envolées, il est clair que mon corps m'appartient et que je ne me porte pas volontaire pour ces vaccins expérimentaux. Et oui, il faut du courage pour ne pas se faire vacciner, surtout quand on débute dans la vie professionnelle et qu'on voudrait saisir toutes les occasions. Une de mes amies n'a malheureusement pas résisté à cette pression, car elle non plus n'a pas obtenu de travail sans être vaccinée. Elle a maintenant besoin du sceau « vacciné » pour réaliser ses rêves d'emploi. Je me suis rendu compte que l'obligation vaccinale est vraiment réelle et existentielle et que les débutants et les personnes qui changent d'emploi sont particulièrement touchés. Petite parenthèse à ce sujet, il est vraiment remarquable que les véritables atouts tels que la compétence, la formation, le professionnalisme et les connaissances médicales ne soient plus du tout prioritaires, mais que l'estampille « vacciné » ou non vaccinée soit déterminante. Je voudrais maintenant m'adresser à ma génération. Restez fidèles à vos convictions et ne craquez pas parce que votre carrière professionnelle est menacée. J'espère bien sûr que l'adage « My body, my choice », « Mon corps, mon choix » s'appliquera également à la vaccination contre le Covid et que nous allons bientôt renverser tout cela. Mais d'ici là, nous devons simplement rester forts ensemble. Pour conclure en beauté, je t'ai apporté un de mes dictons préférés. Entendre ta voix intérieure est une question d'attention, mais la suivre est une question de courage. Ne reste donc pas seulement attentif, mais également courageux.